Session hardcore est terminée sur Electron Libre. On enchaîne avec Caterva, un membre de Caterva cette fois sur platine et donc qui termine la soirée tranquillement. Toujours Antenne Doc Electron Libre. We'll be right back. Step up, step up, step up.

you as I walked up the stairs. Burberry fragrance polluted the air. Some bullshit R&B on the stereo. This baby crying. Screams as it burns you up from the inside, outside. murder can happen upon the steps of colonial residence without even a moment's hesitance. Fact is, not one somebody is even surprised. It's just another day's news. We only have ourselves to lose. The trials and tribulations, oh, what a tribulation, goes further than the relation between man and man. You see, the territory is rough and the fear, what fear, it is clear what has to be done. No victories, no defeat, just a burning chalice of deceit. No question of living can be answered by begging. Begin, I say, with the questions now emerging. Why do you look upon me in this fashion? Why do you stare without taking any action? How can you show a life in such a careless way? What a whole heap of botheration within her today. Voices speak freely about the coming despair that will lead to the destruction of the careless man and the nation's interior. According to the book, Imperial Majesty Emperor Haile Selassie. We'll be right back. Électron libre sur Antenne Doc. La soirée n'est pas terminée. On va enchaîner donc au platine avec toujours Kams et Calibre HK des Miseroïdes. Ils sont de retour donc sur les platines. C'était une bonne session là, d'un des membres de Katerva au platine aussi. Et donc on va enchaîner dans pas bien longtemps. La soirée n'est pas terminée sur Antenne Doc avec Electron Libre. Dès que les petits branchements sont arrangés, on repart. Je vous rappelle la soirée demain soir à Terre Blanche à Toulouse avec Katerva et Nurgle des Trolls qui étaient là ce soir. À Terre Blanche à Toulouse, le PAF c'est 7€ et il y aura plein d'autres gens quoi. Il n'y a pas que hein, demain soir. Grosse soirée quoi, qui démarre quoi sur les coups de 22-23h et qui va durer certainement jusqu'au matin ou quasi. Et puis sinon aussi deux teufs quoi, une teuf dans le coin, dans le Lot. Teuf du collectif 465 et de West Unit. Donc pas très loin de Cahors, l'info c'est 46 46 46, et aussi une teuf réformée Tsunami et Fennec dans la montagne noire, l'info c'est 444 555 ou 673 673. Voilà, c'est reparti donc Calibre HK et Kams au platine.